Trois couchettes, épaisses et solidement conditionnées, avaient été placées dans le projectile. Nicole et Barbicane les disposèrent au centre du disque qui formait le plancher mobile. Là devaient s'étendre les trois voyageurs quelques moments avant le départ. Pendant ce temps, Ardan, ne pouvant rester immobile, tournait dans son étroite prison comme une bête fauve en cage, causant avec ses amis, parlant à ses chiens, Diane et Satellite, auxquels, on le voit, il avait donné depuis quelque temps ses noms significatifs. Hey « Hé Diane, hé hey Satellite !» s'écriait-il en les excitant. « Vous allez donc montrer aux chiens sélénites les bonnes façons des chiens de la Terre. Voilà qui fera honneur à la race canine. »« Pardieu, si nous revenons jamais ici-bas, je veux rapporter un type croisé de Moon Dog, chien lune, qui fera fureur. »« S'il y a des chiens de la lune, » dit Barbicane. « Il y en a, » affirma Michel Ardan. « Comme il y a des chevaux, des vaches, des ânes, des poules, je parie que nous y trouverons des poules. »« 100 $, que nous n'en trouverons pas, » dit Nicole. « Tenu, mon capitaine, » répondit Ardan, en serrant la main de Nicole. « Mais, à propos, tu as déjà perdu 3 paris avec notre président. Puisque les fonds nécessaires à l'entreprise ont été faits, puisque l'opération de la fonte a réussi, et enfin, puisque la Columbiade a été chargée de cet accident, soit 6 000 $. « Oui, » répondit Nicole. « C'est entendu, capitaine. Eh bien, avant un quart d'heure, tu auras encore à compter 9 000 $ au président. 4 000 parce que la Columbiade n'éclatera pas, et 5 000 parce que le boulet s'enlèvera à plus de 6 000 dans l'air. » Assez, Michel, assez, dit Barbicane d'une voix grave. Préparons-nous. Quelques instants seulement nous séparent d'un moment suprême. Une poignée de main, mes amis. Oui, s'écria Michel Ardan, plus ému qu'il ne voulait le paraître. Ses trois hardis compagnons s'unirent dans une dernière étreinte. Dieu nous garde, dit le religieux Barbicane. Michel Ardan et Nicole s'étendirent sur les couchettes disposées au centre du disque. 10h47, murmura le capitaine. 20 secondes encore. Barbicane éteignit rapidement le gaz et se coucha près de ses compagnons. Le profond silence n'était interrompu que par les battements du chronomètre frappant la seconde. Soudain, un choc épouvantable se produisit et le projectile, sous la poussée de 6 milliards de litres de gaz développés par la déflagration du pyroxyle, s'enleva dans l'espace.